إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. رواه أحمد والترمذي وصححه وللألباني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma mala adamiyun wi'an sharran min batn. Un adamique, c'est-à-dire un être humain, n'a pas rempli un récipient plus mauvais qu'un ventre. Ma mala'a n'a pas rempli adamiyun, un être humain, wi'an, un récipient, sharran min, plus mauvais que batn, qu'un ventre. Donc là, on va parler de la nourriture, le fait de nourrir, de se nourrir. Bihasb ibn Adam, il suffit au fils d'Adam, ukulatun, des petites portions, d'ailleurs de nourriture, yokimna sulba, qui met en place son dos. Hadith rapporté par Ahmed wa Tirmidhi, et Tirmidhi a dit qu'il était sahih, ainsi que Al-Albani. Maintenant, nous allons prendre le cours de fiqh, inshallah. Alhamdulillah. Et nous sommes dans la zakat. Et donc nous avons fini les parts des animaux, donc les chameaux, tout ce qui est vaches, taureaux, bœufs et gamous, jamous, les buffles, ainsi que Nisab ou Zakat al-Ghanam. On a fini aussi al-Ghanam, donc c'est tout ce qui est al-Ghanam, c'est tout ce qui englobe moutons et chèvres. Maintenant, on va faire un autre chapitre qui concerne toujours les animaux. Donc l'imam Abu Shujar rahimahullah a dit Fasl, un chapitre. Dans quoi? Fi shurut zakat al-khalitain, dans les conditions de la zakat al-khalitain. Khalitain, c'est-à-dire ce qui est mélangé, donc les deux choses qui sont mélangées. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer. Là, c'est un problème de fiqh qui est donné. C'est-à-dire, toujours par rapport aux animaux. Deux personnes ou trois, on va prendre simple, on va dire deux personnes, donc deux musulmans, possèdent on va dire par exemple 50 chameaux. D'accord? Ils sont associés dans ces 50 chameaux. D'accord? Il veut dire que on va voir exactement les conditions à partir de quand, ici dans le Mazhab Shafi'i, à partir de quand on considère que les 50 appartiennent aux deux sans distinction entre guillemets, il faut faire la prière, et dans le quand, non, si j'en ai un qui a 30, s'il y en a un qui a 25 bien spécifiques, c'est l'autre, il a 25 bien spécifiques. Je vais vous expliquer pourquoi. On fait cette, il faut savoir ça. On avait vu, je vais prendre par tour par rapport au chameau. Voilà, on avait vu que la zakat, quelqu'un qui a un ou deux ou trois ou quatre chameaux, il n'a pas de zakat à payer. Mais à partir de 5, il doit payer une zakat. D'accord? À partir de 5, il doit payer une zakat. Et quand il a 5 jusqu'à 9 chameaux, c'est-à-dire qu'il a 5, 6, 7, 8 ou 9 chameaux, il doit payer donc une zakat qui est un chat, c'est-à-dire un mouton de 6 mois ou une chèvre d'une année. Maintenant, imaginez que deux personnes se réunissent, font la s'associer, d'accord, pour ils réunissent une personne à trois moutons et une autre personne à deux moutons. Si la personne qui a trois moutons, il considère que les trois moutons il a que seulement que trois moutons, elles ne sont pas mélangées avec les deux autres moutons, c'est-à-dire qu'il n'y a que trois moutons, je parle de chameaux, il n'y a que trois chameaux, donc il n'a pas de zakat à donner. L'autre, il a deux chameaux, il n'a pas de zakat à donner. Mais si on les réunit, ça fait cinq chameaux. Donc là, il a une zakat à donner. Et donc certains, pour éviter de ne pas donner de zakat, et quand ils sont en association, ils peuvent faire quoi? C'est-à-dire qu'ils disent non, moi j'ai que ces trois à moi. Et je ne suis pas associé entre guillemets avec l'autre. Donc celui qui a trois chameau, ils ne payent pas zakat, et ni celui qui a deux chameaux, ils ne payent pas zakat. Alors qu'en vérité, ils avaient les conditions pour sortir une zakat, parce que 3 et 2, ça fait 5. Donc c'est par rapport à ça. Donc on voit les conditions pour qu'il y ait justement, quand il y a une association de par rapport aux chameaux ou autres aux animaux, comme on a vu, à partir de quand donc la zakat est obligatoire. Donc l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit ceci. Wal-Khalitani yuzakkiyan, donc Al-Khalitan, ce sont les deux, on va dire, associés, d'accord? Yuzakkiyani zakat al-wahid. Donc s'ils sont les deux associés, ils sortent une zakat, de la zakat d'une seule personne. C'est comme si c'était une seule personne, comme je vous ai expliqué juste avant, d'accord? Bi-sab'i, mais avec sept conditions. S'il y a ces sept conditions qui sont respectées, il y a divergence entre écoles. Là, on est dans le mazhab chafi. S'il y a ces sept conditions, eh bien, à ce moment-là, leur association dans les animaux, c'est comme s'ils vont sortir la zakat comme si c'était une seule personne. D'accord? Donc, si jamais il y en a un qui a trois, puis il y en a un qui a l'autre qui a trois chameaux, l'autre qui a deux chameaux, eh bien, en fin de compte, c'est comme si c'était une seule personne, une seule entité qui a cinq chameaux, donc il faut payer la zakat. D'accord? Awalan, premièrement, donc la première condition. Idha kana al-murahu wahida. Alors, al-murah, c'est quoi? Al-murah, c'est le refuge des animaux, laylan, la nuit. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la même étable, d'accord, le même endroit où les animaux vont dormir. C'est-à-dire que si jamais chacun des associés a sa propre étable, et ben donc, il y a pas, et en fin de compte, c'est pas considéré comme une seule personne, donc là chacun va compter pour lui-même. Il faut déjà d'une donc qui est ça soit la même étable. Deuxième condition, wal masrahu wahida. C'est quoi le masrah? Donc il faut que, dans la deuxième condition, il faut que le masrah soit un. C'est-à-dire qu'ils ont le même, c'est-à-dire que les animaux, les cinq chameaux par exemple, ils ont le même endroit où ils vont pâturer. Parce que al-masra, c'est là où les animaux vont aller pâturer où est-ce qu'ils veulent. D'accord? Donc si dans la nuit, ils dorment dans le même étable, mais dans la journée, celui qui a trois chameaux, il a un pré à lui, et celui qui a deux chameaux, il a un pré à lui spécifique, et les trois chameaux vont dans un pré spécifique, et les deux dans un pré spécifique, là, il n'y a pas de zakat à donner. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas considérés comme une seule personne. Mais s'ils vont, les cinq chameaux vont ensemble dans le même pré, d'accord, ou ça va au pré ou dans la montagne ou autre, là, oui, il y a la deuxième condition qui est remplie. La troisième condition, wal-mar'a wahida. Et là, elle razzi, donc c'est un savant qui a expliqué le char de, comment dirais-je, l'explication de Abu Shuja, le Mourtasal Abu Shuja. Il a dit, là, c'est quoi, elle mara aussi, ici, la chose voulue. Quand elle razzi, rahimahullah, wal mara wal ra'i wahida. C'est-à-dire qu'il faut que le mara, c'est l'endroit, donc, où ils vont être. Ils vont paître, mais la chose voulue ici, c'est que Rari, que le berger soit le même. C'est-à-dire, si. Ok, Imran. Ok, Jazakallah khairan. On me demande de monter le son du micro, mais je ne sais. Je vois pas comment faire là. Ben, ce soir, donc, je vais parler plus proche du micro. Excusez-moi, il faut juste faire un petit réglage. Je vois pas comment faire pour augmenter le micro, désolé. Je verrai ça plus tard parce que là ça va prendre trop de temps. Donc il faut que le berger, donc celui qui s'occupe des animaux, soit le même. Donc si jamais les animaux, les 5 chameaux, dorment dans la même étable, vont dans le même pré, d'accord? Mais les 3 chameaux, ils ont un berger spécifique, les 2 chameaux ont un berger spécifique, là dans le Mazhab Chaféi, il n'y a pas de zakat à donner pour une seule personne, mais chacun sort la zakat de ses chameaux. Donc là, il n'aura pas de zakat à donner. Quatrième condition, wal-fahlu wahida. Wal-fahl wahida. Donc il faut que el-fahl soit le même. El-fahl, c'est ce qu'on a normalement, il me semble, on appelle en français l'étalon. Ça veut dire qu'il faut que le mâle qui sert à reproduire, donc les dons, il s'en sert pour la reproduction, donc ils amènent un mâle, soit un chameau pour les chamelles, etc. Il faut que le mâle soit le même pour les deux, pour ceux qui ont, soit qu'il y a 3 chameaux et 2 chameaux. Il faut qu'ils ont le même, ils utilisent le même fah, le même étalon. Cinquième condition, il faut que l'endroit donc où ils boivent, wahida, soit unique. C'est-à-dire qu'ils vont boire dans le même puits ou dans le même ruisseau ou autre. Sixième condition, wal-halibu wahida. Wal-halibu wahida. Et là, comme c'est dans le. Comment dirais-je? Je vais dire la parole de Al-Razi. Al-Razi, Al-Razi, rahimahullah, attention, c'est pas Al-Ghazali, hein, c'est Al-Razi. Parce qu'il venait de Gaza, de Gaza. Il a dit, voilà, assou adamul ittihad fil halib. Donc celui qui. Le halib, c'est celui qui va traire le lait. D'accord? Il faut que ce soit le même. Et Al-Razi, il a dit non, mais l'avis le plus juste, Al-Asah, dans le Madhab Shafiri, c'est que ceci n'est pas une condition. C'est-à-dire que même si jamais c'est pas le même personne qui va traire le lait, eh bien, ce n'est pas grave, il faut quand même qu'il paye la zakat. Septième condition, wa mawdi' al-halb wahida, et l'endroit où il y a le lait, donc là où ils sortent le lait, soit le même. D'accord? Donc une fois qu'ils sortent le lait, par exemple, il faut qu'ils le mettent, qu'il soit aussi dans le même réservoir. D'accord? Ça, c'est aussi une condition que vous trouvez dans le Mazhab Shafi'i. Voilà. Là, on a fait les 7 conditions telles que Abu Shuja rahimullah les a décrites, afin que, comme je l'ai expliqué, ceux qui sont associés dans les animaux, quand est-ce que leur association, en fin de compte, ils considèrent comme si c'était une seule personne. D'accord? Avec ces 7 conditions que Abu Shuja rahimullah a dit, Al-Razi a dit pour la 6e condition, parce que la vue plus juste, c'est que ce n'est pas une condition. Et sinon, je ne vous rentrerai pas en détail par rapport aux autres avis. On va continuer, Inch'Allah. L'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit Fasun, un chapitre. Nisabu dhahbi wal fidda. La part de l'or et de l'argent. Donc les 2 métaux précieux qui sont l'or et l'argent. Quand est-ce qu'on sort la zakat quand on a de l'or ou de l'argent? Ces deux métaux précieux. On va voir la part. Donc Abu Shuja, rahimallah, a dit, excusez-moi, je vais essayer de régler le son parce qu'apparemment il est trop faible. Bon, je n'arrive pas à trouver le micro, désolé. Donc je continue, Inch'Allah. Donc l'imam Abou Shar Rahimah a dit, par rapport à la part de l'or et de l'argent, il a dit ceci. Mithqalan. Et la part, donc la part de l'or, c'est de 20 mithqal. 20, ce qu'on appelle en arabe, mithqal. Aishlun mithqala. Alors, on va, Inch'Allah, lire, comment dirais-je, un hadith ici, que Ibn Hajar al-Asqalani, rahimallah, a rendu Hassan, donc il a déclaré qu'il était Hassan, et qu'il est dans son livre qui est assez connu, c'est un livre de hadith dans le fiqh, qui s'appelle Bulugh al-Maram. Et Al-Albani a dit aussi que ce hadith était Hassan. C'est celui-ci. إن كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها خمسة ففيها 5 دراهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu as à toi, donc si tu as à toi 100 dirhams, 200 dirhams, et on va voir ce que ça veut dire, ça équivaut à quoi après dirham. Donc, si tu as 200 dirhams et que a passé une année sur cette 200 dirhams, fafiha khamsatu darahim. Donc dedans, il y a 5 dirhams. Le plural de dirham, c'est darahim. D'accord? 5 darahim. 5 dirhams. Alors, s'il y a 200, là on va faire un petit calcul. S'il y a sur, si sur 200, il faut sortir 5, en pourcentage, ça fait combien? C'est simple, on va, bah là c'est simple, on va diviser 200 par 2, ça fait 100. Et donc on va diviser 5 par 2, ça fait 2,5. Donc quand on a 100, non, c'est bien 2,5 qu'il faut sortir. Mais c'est à partir de 200 dirhams. C'est-à-dire que la personne qui possède 100 dirhams ou 150 ou 199 dirhams, il n'a pas de zakat à donner. Mais c'est à partir de 200. D'accord? Et il faut qu'il y ait une année lunaire révolue, passe sur cette 200. D'accord? Donc il ne faut pas que ces 200 aillent en dessous pendant une année lunaire. Sinon, ce n'est pas obligatoire de payer la zakat. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُنْ لَكَ 20 دِنَارًا. Et il n'y a rien sur toi, c'est-à-dire que tu n'as rien à sortir comme zakat. حَتَّى يَكُنْ لَكَ, jusqu'à ce que tu viennes à toi, c'est-à-dire que tu possèdes quoi? 20 دِنَارًا. 20 dinars. Alors là, juste une petite information, que j'aurais dû vous dire quand j'ai dit le mot dirham d'ailleurs. Le dirham en langue arabe, donc chez les arabes, et dans le fixe jusqu'à maintenant c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Le dirham c'est l'argent, c'est une pièce d'argent. Et le dinar c'est la pièce d'or, d'accord? Le dirham c'est une pièce d'argent, le métal précieux, l'argent. Et le dinar c'est une pièce d'or et qui avait un poids spécifique, d'accord? On va le voir, Inch'Allah. Donc quand on dit dirham, on veut dire une pièce d'argent. Quand on veut dire dinar, on veut dire une pièce d'or. On ne fait pas trop attention à notre époque quand des pays appellent leur monnaie papier en dinar ou en dirham. En dirham, exactement, on dit ça comme ça, un dirham. Alors qu'en fin de compte, ce n'est pas de l'or ou de l'argent. Mais ça équivaut à de l'or ou de l'argent, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tu n'as pas, t'as rien sur toi, donc tu n'as pas à payer de zakat, jusqu'à ce que tu possèdes 20 dinars, donc 20 pièces d'or. On va voir, hein. Après, le dinar, ça pèse combien? C'est-à-dire la pièce d'or, dinar, elle pèse combien? Et la pièce d'argent, qu'on appelle dirham, combien elle pèse? Les calculs vont venir. Hein. Et que l'année lunaire soit passée sur elle. Fafiha Nisfu dinar, alors dedans il y a à quoi sortir? La moitié d'un dinar. La moitié d'un dinar. Donc si on a 20 dinars, 20 pièces d'or qu'on appelle dinar, à partir de là il faut payer la zakat. En dessous, si j'ai 19, j'ai rien à payer. 18, j'ai rien à payer, bien sûr, etc. Mais à partir de 20, il faut payer la zakat. Et si j'ai 20 pièces d'or, je dois sortir la moitié d'une pièce d'or. D'accord? La moitié. Donc on fait un petit calcul. Comment on fait de 20 arrivé à 100? Et bien on va faire, on va le multiplier par 5. 5 fois 20, ça fait bien 100. Donc 5 fois 20 dinars, ça fait 100. Donc 5 fois 0,5 dinars, ça fait bien 2,5. Donc 2,5% qu'il faut sortir comme pour l'argent. On sort 2,5% pour l'argent ou pour l'or. Vous avez compris pourquoi on dit 2,5%? C'est par rapport à ça. Parce que la moitié d'un dinar sur 20 dinars, ça fait 2,5%. Ensuite, le professeur a dit, ensuite, ce qui augmente par rapport à ceci, donc ce qui est plus que 20 dinars ou que 200 dirhams, Fabi Hissa Bezalik, alors c'est par rapport à ceci, c'est-à-dire par rapport à ce calcul, c'est-à-dire en 2,5%, d'accord? Parce que nous, à notre époque, on compte beaucoup en pourcents, alors qu'à leur époque, ils n'utilisaient pas ce qu'on appelle le pourcentage. Donc, il y avait une autre manière, comme vous avez vu, de compter. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Marfouan, donc c'est une parole du prophète, c'est le numéro 1572, ça c'est suivant les livres, les éditions, d'accord, dans le Sunan Abu Daoud. Et maintenant on va voir une pièce d'or, combien ça fait en grammes, des grammes de notre époque, d'accord. Un dinar, ça fait 4,25 grammes. Donc maintenant, à vos calculatrices. Je vais prendre la mienne. Comme je l'avais dit, quand on fait la zakat, on aime les maths. Eh ouais. Donc, calculatrice. Moi, je prends celle qui est sur mon portable. Un vieux portable qui me convient bien. Je vais dans extra. Je prends calculatrice. Et j'ai ma calculatrice qui est prête à marcher. Donc, je viens de dire que un dinar, ça fait 4,5 grammes. D'accord? Un dinar fait 4,5 grammes d'or, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, quand on dit dinar, c'est-à-dire l'or. Et quand on dit dirham, ça veut dire l'argent, le métaux. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous poser une question. Vous avez vos calculatrices, vous êtes encore très fort, plus fort que moi, Inch'Allah. Vous n'avez pas besoin de calculatrice. Je vous répète qu'une pièce d'or qu'on appelle le dinar, ça fait 4,25 grammes d'or. Et on a vu que c'est à partir de 20 grammes d'or qu'on sort une zakat. D'accord? De 20 dinars, de 20 pièces d'or de dinar qu'on fait une zakat. Donc maintenant, je vous pose la question, vous allez me répondre, je vais enlever les sens interdits. Et je vais vous dire à partir de combien de grammes d'or on sort la zakat, barakallahu fikoum, et combien on sort quand on a 20, quand on a. En grammes, je veux, et combien on sort de grammes? Donc, j'attends vos réponses. Je répète pour ceux qui n'ont pas pu noter. Ça va vite. Abou Khalil a dit 85 grammes. Oumou Abdillah a dit 85 grammes. Abou Mouaz a dit 85 grammes. Oumou Abdel Malik, 85 grammes. Donc, apparemment, vous êtes tous d'accord pour ces 85 grammes. Donc, je prends ma calculatrice. Et j'ai bien dit qu'un dinar, donc une pièce d'or qui s'appelle dinar, ça fait 4,25 grammes d'or. Donc, je fais 4,25. Et il en faut 20. D'accord? Il faut 20 pièces de dinar, 20 pièces, 20 dinars pour. À partir de là, commencer à payer la zakat. Donc, je fais multiplier par 20 et ma calculatrice me dit 85. C'est bien. Et ben, vous avez voilà, vous avez bien trouvé. C'est bien ça. Barakallahu fikoum. Donc, une personne qui a un gramme d'or ou 2 ou 3 ou 10 ou 20 ou 30 ou 40 ou 60, 70 ou 80 grammes d'or ou 81, 82, 83 ou 84 grammes d'or, il n'a pas de zakat à payer. Il n'a pas de zakat à payer. Mais ici, à partir de 85 grammes d'or, à partir de 85 grammes d'or qui équivaut à 20 dinars, c'est-à-dire à 20 dinars, c'est qu'un dinar, c'est quoi? C'est une pièce d'or qui pèse 4,5 grammes, donc excusez-moi, à partir de 85 grammes d'or, il doit payer la zakat, bien sûr, si ces 85 grammes d'or ont subi une année lunaire, donc c'est pas passé en dessous. D'accord. Et bien sûr, s'il a plus, 85 grammes d'or, il va sortir la zakat. Et comme on a vu, il doit sortir 2,5%. Donc, maintenant, l'autre deuxième question. Une personne qui a 85 grammes d'or, combien il doit sortir de grammes pour sa zakat? Alors. Abou Khalil, 2,125 grammes d'or à sortir. Abou Mourad, 2,125. D'autres personnes veulent tenter de dire autre chose? On va calculer. Donc 85 grammes, la moitié de 4,5. Exact, Abu Mourav. Barakallahu fik. Si on le fait exactement comme dit le prophète, ça fait, c'est bien la moitié, parce que comme tu l'as dit, c'est la moitié d'un dinar. Et on a un dinar, on a vite dit que c'était 4,5, c'était 4,25 grammes, donc c'est bien la moitié d'un dinar qui fait, comme aussi, ça qui fait 2,125 grammes. C'est exactement ça. Ou sinon, en comptant par les pourcentages, on fait 85 fois divisé par 100, et après on fait, sauf que 0,85 est multiplié par 2,5, ça fait 2,125 grammes. Voilà. Et on compte après comme ça. Quelqu'un qui a 100 grammes, calcul très simple, c'est quelqu'un qui a 100 grammes, qui doit sortir 100 grammes d'or, qui doit sortir sa zakat, et bien il sort 2,5. Donc là, 100, sur 100 grammes, 2,5, c'est-à-dire, eh ben, c'est 2,5 grammes, d'accord? Et etc. Il calcule comme ça. Donc c'est plus le calcul comme par rapport aux animaux qu'on a vus. Ça, c'est pour l'or. Maintenant, le dirham, qui est la pièce d'argent. Quelqu'un qui n'a pas d'or, mais qui a de l'argent. D'accord? Eh bien, ça va être, comme on a vu, 200 dirhams. C'est à partir de 200 dirhams. Donc, 200 pièces d'argent qu'on appelle dirham. Le dirham, il fait combien de poids? Le dirham fait à dirham. D'accord? Avec un dal, un ra, un ha et un mim. Dirham. Une pièce d'argent qu'on appelle dirham fait 2,975 grammes d'argent. D'accord? Je répète, une pièce d'argent qu'on le nomme dirham fait en grammes 2,975 grammes d'argent. Donc la question. On a maintenant une pièce d'argent qu'on appelle dirham fait 2,975 grammes. Et c'est à partir de 200 de ces c'est à partir de 200 pièces qu'on appelle dirham qu'il faut payer la zakat. Question, en grammes d'argent, à partir de combien de grammes d'argent? Parce que maintenant, on n'utilise plus les pièces d'argent qu'on appelle dirham, d'accord? Mais on calcule toujours en grammes. Donc, à partir de combien de grammes d'argent il faut payer la zakat? J'attends vos réponses. Barakallahu fikoum. Bon, apparemment, vous êtes tous d'accord. Donc, vous avez ceux qui sont intervenus ont dit 595 grammes. Oui, il n'y a pas de divergence sur ça. Ah, il y a un ijma entre vous là, il y a une unanimité. Donc on va vérifier. C'est simple, hein. On fait 200 fois le gramme d'une pièce. Donc j'avais dit qu'une pièce faisait 2 grammes 975. Donc je fais 200. Après je fais fois 2,975 je fais, j'appuie sur résultat sur ma calculatrice. Ça me fait 595 grammes. Exact, 595, 595, oh, 595 grammes, c'est bien ceci avec l'aide de la calculatrice. Abou Imran nous dit c'est 59 grammes 5. Non, 200 fois 2,975, ça fait pas 59,5. Il y a une virgule qu'il faut que tu décales juste, ça fait 595. Donc, à partir de quelqu'un qui a de l'argent. Que ce soit d'accord, le métal précieux qu'on appelle argent. S'il a 200 grammes, 400 grammes, 500 grammes, 590 grammes, 594 grammes, il ne paye pas de zakat. Mais à partir de 595 grammes, il sort la zakat. Maintenant, une personne qui a 595 grammes, combien de grammes il va sortir? D'accord? Je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait dit que sur 200 dirhams, il fallait en sortir combien? 5 pièces, 5 dirhams. Sur 200 dirhams, il faut sortir 5. Et c'est équivaut aussi à 2,5%. Donc j'attends vos réponses. Quelqu'un qui a 580 grammes d'argent, de métal précieux d'argent chez lui, combien il va sortir de zakat sur ses 5, sur ses 595 grammes d'argent? Alors, Abou Khalil ou Omar Abdullah, les trois ont dit, oui, les trois ont dit le même résultat qui est 14,875. D'accord. Bah, on va calculer soit, comme a dit le prophète, c'est 5. Et Abdel Hakim a dit aussi 14,875. Il y a deux manières pour ça, comme on avait vu, pour calculer. Donc 5, quand on a 500, 200 pièces de dirham, il faut sortir 5 pièces. Alors on va faire 5 fois le poids d'une pièce, c'est-à-dire 2,975, je fais la calculatrice pour ça que je parle comme ça, c'est égal à 14,875. C'est exact, c'est comme ça. Ou sinon, en faisant le calcul par le pourcentage, comme on fait à notre époque, eh ben on fait 595 grammes que je divise par 100 et que je multiplie par 2,5. 5, c'est égal à 14,875. Voilà, c'est comme ça. Et donc, une personne qui a, on va dire, 1000 grammes, donc 1 kilo, il va sortir. Combien il va sortir s'il a 1 kilo? Bah, s'il doit sortir 2,5, il va sortir non pas 2,5 grammes, mais 25 grammes. D'accord? Parce que c'est 1000 grammes. Voilà, maintenant vous avez compris comment. On sort la zakat de l'or et de l'argent des métaux précieux. Je ne sais plus si c'est maintenant que je vais vous en parler. Je vais vous en parler maintenant, parce que je ne sais pas si je marque les annotations après, mais je vais vous en parler maintenant, Inch'Allah. Quelqu'un qui a. Je ne sais plus si Abou Shouja, il en parle de ceci ou pas. Je vais vous le dire maintenant, Inch'Allah. Quelqu'un qui a par exemple, on avait dit que donc le minimum pour l'or qu'il faut avoir pour sortir, c'est 85 grammes d'or, d'accord? Et pour l'argent, c'est 595 grammes d'or. Une personne qui a par exemple 80 grammes d'or, d'accord? Il a 80 grammes d'or, donc il lui manque 5 grammes pour payer la zakat. Il a 80 grammes d'or et il a 590 grammes d'argent, donc lui, c'est 5 grammes pour payer la zakat pour l'argent. Sinon, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit réunir les deux et faire une estimation et donc sortir la zakat en réunissant les deux? Parce que si on réunit les deux, il aura plus que la zakat qui est du minimum obligatoire pour l'or pour ou pour l'argent. D'accord? Eh bien non. On ne mélange pas les deux pour avoir un des deux minimums requis. D'accord? Donc s'il a 80 grammes d'or par exemple, et 590 grammes d'argent, eh bien, il ne sort pas de zakat. Il ne sort pas de zakat. Ça, c'est ceci. Voilà. Deuxième chose que je vous en parle par rapport ce qu'on vit à l'ouakir, la réalité de ce qu'on vit, de maintenant. Maintenant, c'est avec l'argent en papier, qui en fin de compte n'est pas un argent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu, comment dirais-je, par rapport à l'économie, c'est un fléau, ce papier en argent. En papier, je veux dire, mais on s'en sert et c'est comme ça. Donc voilà. On parle en euros. D'accord? Une personne, par exemple, qui a 10 000 euros, est-ce qu'il doit payer la zakat ou pas? Parce que l'euro, c'est pas, c'est un papier, et puis l'euro, concrètement, est-ce que ça correspond à de l'or ou à de l'argent? Ou est-ce que ça ne correspond pas à de l'or et de l'argent? Eh bien, on va le faire correspondre. Parce que c'est en fin de compte, c'est une équivalence. Les gens maintenant prennent ça comme une équivalence par rapport aux métaux précieux, l'or et l'argent qu'ils utilisaient avant pour tout ce qui est achat et vente. Donc, on considère que l'euro ou le rial qui est en Arabie Saoudite ou le gounei qui est en Égypte ou le pound qui est en Angleterre, ou je ne sais pas quoi encore comme monnaie. Eh bien, on va le faire correspondre à un des deux métaux, l'or ou l'argent. Alors, question, auquel de Démeto on va le faire correspondre? Parce que quelqu'un qui, par exemple, 85 grammes d'or vaut généralement plus quand la valeur, par exemple, je donne un exemple, on va dire qu'un gramme d'or vaut, je vais dire, 25, je vais prendre un chiffre rond, je veux dire, ça vaut 20 euros. D'accord? Un gramme d'or, c'est un exemple, un gramme d'or vaut 20 euros. Donc si 85 grammes d'or, donc là je prends ma calculatrice, à partir donc 85, si je considère que l'euro, il faut le sortir quand on atteint comment dirais-je, la limite en or, dans le métal précieux d'or, donc je regarde le pays où je suis, par exemple, je suis en France, et je me renseigne combien vaut un gramme d'or. D'accord? Je vous explique comment faire pour vous-même, et c'est simple, hein. Surtout quand on a internet, vous allez comprendre comment vous-même calculer à partir de combien il faut payer la zakat. C'est simple, il faut soit aller dans une bijouterie ou autre, vous allez sur internet et vous regardez combien vaut un gramme d'or. D'accord? Vous demandez combien vaut un gramme d'or. L'or, il y a l'écart, mais l'or qui est généralement le plus utilisé. On va prendre un exemple, un gramme d'or, c'est un exemple, il vaut 20 euros. Alors je fais 85 fois 20 euros. Et ça fait combien? Ça fait 1700 euros. Ça veut dire que, c'est un exemple, je ne dis pas qu'en ce moment c'est à partir de 1700 euros qu'il faut sortir la zakat. Vous comprenez bien, c'est un exemple. Donc c'est à partir de 1700 euros qu'il faut se payer la zakat. C'est-à-dire que si j'ai 1000 euros, je n'ai pas de zakat à payer. Si j'ai 1500, 1600 ou 1799, je n'ai pas de zakat à payer. Mais à partir de 1700, j'ai une zakat à payer. D'accord? Si on considère que l'euro vaut de l'or. Mais qui nous dit que ça vaut de l'or et non pas le métal précieux, l'argent? Donc on va faire une chose. Je vais noter pour pas oublier, Inch'Allah, ceci. Excusez-moi, ça m'évitera de refaire le calcul. Donc on a dit que là, l'or valait, un gramme d'or valait 20 euros. Et donc ça fait à partir de 1700 euros si on considère que l'euro équivaut au métal précieux de l'or. Mais ça se trouve, mais moi je voudrais savoir combien vaut, excusez-moi, si on considère que l'euro n'équivaut pas à l'or mais à l'argent, à partir de combien je paierai la zakat? C'est pas pareil. Donc on va estimer que l'argent vaut beaucoup moins cher que l'or. C'est pour ça aussi que c'est 595, c'est-à-dire c'est 595 grammes d'argent qu'il faut, non pas 85 comme l'or. D'accord? On va dire que, donc je vais me renseigner. Là où je suis, le pays où là où je suis, pas un autre, parce que les taux varient, combien vaut un gramme d'argent? Et on va dire, par exemple, que un gramme d'argent vaut 1 euro. Hein. C'est juste un exemple pour que ça soit simple. Ça vaut 1 euro. D'accord? Donc, et la zakat, c'est à partir de 595 grammes d'argent qu'on doit sortir, quand c'est de l'argent. Donc 595 fois 1 euro, ça fait 595 euros. D'accord? 595 euros. Donc si je considère que l'euro, son équivalence en métaux précieux, c'est l'argent, c'est-à-dire que ce n'est plus à 1700 euros que je dois payer la zakat, mais c'est à partir de 795 euros que je dois sortir la zakat de 2,5%. Et vous voyez que là, il y a une différence. D'accord? Et donc, on prend quoi comme référence pour l'euro ou le dollar ou le rial ou le juanay ou ce que vous voulez comme monnaie en papier. On prend l'or ou on prend l'argent. Vous voyez que si par exemple on prend l'or, il y aura beaucoup de personnes qui ne paieront pas de zakat parce qu'ils ont par exemple 1600 euros et que ces 1600 n'en paieront pas, ils paieront pas de zakat. Alors que si on n'aura plus l'argent, ça part de 595, donc il y aura plus de gens qui sortiront de la zakat. Donc on prend quoi comme on prend l'or ou l'argent. L'avis, moi, que je suis, Inch'Allah, sur ceci, c'est que je prends l'avis qui est le plus, comment dirais-je, sécurisant et qui est le plus profitable pour les pauvres et aussi pour celui qui va donner parce qu'il aura des hasanats. Donc, on prend le taux qui est le plus faible. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est l'argent. C'est-à-dire que ça sera à partir de 595 euros si le gramme d'or et si le gramme d'argent est d'un euro. Hein. Je ne dis pas qu'en ce moment en France, le gramme d'argent est de 1 euro. À vous de voir, c'est simple, vous renseignez, vous calculez, vous savez comment faire maintenant. D'accord? Si c'est l'inverse, Imaginons par exemple que le gramme d'or ne vaut pas 20 euros, vaut beaucoup moins, et que le gramme d'argent vaut plus que 1 euro, et que si on fait le calcul, par exemple, eh ben, 85 grammes d'or, ça vaut, on va dire, je sais pas moi, on va dire 800 euros, et 595 grammes d'argent, ça vaut 1500 euros. Ben là, on va prendre le plus faible, donc c'est-à-dire l'or, donc c'est l'or qui va être pris en considération. J'espère que j'ai été assez clair pour cela. Oh, il est déjà 21h40. Mais bon, il faut aller bien expliquer ceci. Et comme ça, maintenant, vous savez, vous, comment faire, non pas attendre l'UOF ou je ne sais quoi autre, qui vont vous dire, à partir de tant d'euros, vous devez sortir la Zakat. Vous savez comment faire maintenant, vous-même, vous pouvez le faire pour savoir à partir de quand d'euros on sort une Zakat. Je m'arrête ici, Inch'Allah, et on reprendra ce chapitre, parce que là, j'ai dépassé un petit peu, mais c'était bon, il fallait. Et on reprendra demain, Inch'Allah, ce petit chapitre sur la part, à partir de quand donc on sort la zakat de l'or et de l'argent. Alhamdulillah. Donc maintenant, Inch'Allah, on va faire le cours du Tawahid. Hop, je prends mon petit livre que j'ai écrit. Voilà. Ah, tiens, j'avais. Ah ben, Inch'Allah, je vous remercie. Je vous avais donné de quoi parler et écrire et vous avez pas. Vous êtes bien comporté en classe, mais là pour l'autorité d'Arab, où je le laisse là. Inch'Allah, ça se passe bien. Alors, on peut poser des questions, oui. Ah oui, Starfour, c'est vrai que c'est maintenant. Excusez-moi, j'ai totalement oublié. C'est que même pour l'éducation de la Zakat, du fixe, c'est juste après le cours. Et justement, là, c'est ouvert, donc allez-y. Ça veut dire des cours par rapport au fixe là, de la Zakat, allez-y, hein. Peut-on convertir une partie de notre faute en or ou en argent ou l'inverse pour ne pas payer la zakat? Ben non. Si je comprends bien, c'est-à-dire qu'une personne veut essayer de trouver ce qui va l'arranger afin de ne pas payer la zakat. D'accord? Si je comprends, c'est ça. Peut-on convertir une partie de notre fortune en or ou en argent ou l'inverse pour ne pas payer la zakat? C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a 1000 euros, on va dire, ouais, qui a 1000 euros, si il dit, ouais, moi j'ai une partie. J'estime que mes 1000 euros, ça fait une partie, ça va faire 700 en or et l'autre 300 en argent. Et donc, si j'ai 500 en or, j'ai pas de zakat à payer, 300 en argent, j'ai pas à payer. Non, il n'a pas à faire ça parce que, fin de compte, ça, voilà, il va faire ce qu'on appelle hiyala min hiyal al-yahoudi. Il va faire une ruse parmi les ruses juives, les juifs, parce qu'il faisait comme ça, les juifs, d'accord, jusqu'à maintenant, comme on dit d'ailleurs en français, ils apprennent la loi afin de mieux la contourner. Donc on ne fait pas ça parce que ça voudrait dire que la personne, en fin de compte, il va essayer de gruger, donc il va faire des petites manigances qui apparemment peuvent paraître bien, mais ça, en fin de compte, c'est pour contourner la loi. D'accord? Et le riyadh billah, surtout avec la loi d'Allah, on ne fait pas ça. Non. Omar Abdullah. Il y a une différence dans les bijoux. 18, oui, il y a une différence. 18 carats vaut moins cher que 24 carats. C'est-à-dire qu'un gramme d'or de 18 carats vaut moins que un gramme d'or de 24 carats. Et comme je l'ai dit, ça a de l'importance. Donc là, vous cherchez, par rapport au pays où vous êtes, d'accord, la France, en Algérie ou autre, c'est quoi l'or qui est le plus répandu. Par moi, en Égypte, j'habite normalement en Égypte, c'est celui-là de 21 carats qui est généralement utilisé. Donc on prend le 21 carats et ça dépend les pays. Alors, donc la sixième condition pour ceux qui sont associés dans des animaux, je vais la rappeler, la sixième c'est Walhalib Wahid. Al-Halib Wahid. Il faut que celui qui traite la vache, d'accord, soit le même pour les animaux. C'est pas Al-Halib avec un ya, c'est pas le lait, soit un. C'est Al-Halib. Il y a une différence entre Halib avec un alif, qui a la wazn fa'il du verbe halaba, qui veut dire traire, le verbe halaba. Halaba yahloubou veut dire traire. Et ceux à qui trait, on dit que c'est un halib. Et halib, là, il n'y a plus d'alif, mais il y a, c'est ce qui est trait, donc là, c'est le lait. Donc, c'est pas que le lait soit un, mais c'est que celui qui trait le lait soit le même. D'accord? Faites attention à ça. Que, entre le halib et le halib. J'espère que. Voilà, Ismama a dit halib, ça, c'est le lait. Et si on fait halib, c'est celui qui trait la vache ou le chameau ou le mouton ou la chèvre. D'accord? Donc, il ne faut pas que le halib soit le même. Bien que, comme on a vu de la cinquième condition, il faut qu'après le halib, le lait soit réuni. Mais soit qu'il faut que la cinquième condition. Et justement, Al-Razi, a dit que cette condition, en fin de compte, le plus authentique, juste dans le mazhab, c'est que ce n'est pas une condition. C'est que s'il y a deux personnes différentes qui traient chacun comment dirais-je, les animaux, ce n'est pas une condition. Il faut quand même payer la zakat. Voilà, comment faire quand la personne a des têtes de bélier? Ah, ben voilà. Oui, très bonne question. Abou Khalil a dit donc pour la zakat des animaux. Comment faire quand la personne a des têtes de bétail différents? C'est-à-dire qu'il a des vaches, des moutons et des chameaux. Eh bien, il fait comme je vous ai dit pour l'or et l'argent. On ne renie pas ensemble et après on fait une estimation, on fait ceci. Non. Imaginons une personne qui a quatre chameaux. Il n'a pas de zakat à payer parce que c'est à partir de 5. D'accord? Et il y a des vaches. Il a 29 vaches. Il n'a pas de zakat à payer parce que c'est à partir de 30 vaches. Et en plus d'avoir ces 4 chameaux et ces 29 vaches, il a quoi? Il a des moutons. D'accord? Et on va dire qu'il a 120 moutons. Excusez-moi, c'est à partir de le. Il a 39 moutons. Parce que c'est à partir de 40 qu'il faut sortir une zakat. Et bien cette personne, il est plus riche, étant donné qu'il a 4 chameaux, 29 vaches et 39 moutons. Il est plus riche que celui qui a 5 chameaux. Et mais pourtant, celui-là, il ne sortira pas de zakat parce qu'il n'a pas atteint dans aucune des trois catégories le minimum pour sortir la zakat. Contrairement à celui qui a 5 chameaux, eh bien, il a, lui, à fin de compte, l'ensemble des animaux coûte moins cher que l'autre, mais il a atteint un minimum et lui doit sortir la zakat. Voici, c'est ça, la réponse est celle-ci. Oumar Abdullah, une sœur était de sa mère. Elle a eu ses bijoux, mais ne s'en est pas occupée pendant plusieurs années. Elle n'a jamais calculé la zakat. Que doit-elle faire? Alors, on va y venir. Il y a une divergence pour est-ce qu'il faut, oui ou non, il faut sortir la zakat pour les bijoux. C'est-à-dire que quand une personne qui possède des bijoux en or ou en argent et qui a atteint, par exemple, c'est leur 85 grammes ou c'est de l'argent, 595 grammes. Est-ce qu'il faut payer la zakat pour les bijoux? Il y a divergence entre savants. Est-ce qu'on sort la zakat des bijoux ou pas? Et on verra ça, Inch'Allah, demain. Et la parole du même Shafi'i, c'est aussi la majorité, la grande majorité. Enfin, non, pas la grande majorité, mais c'est comme on va le voir demain, Inch'Allah. Dans le mazhab Shafi'i, du moins, il n'y a pas de zakat à sortir pour tout ce qui est or et argent, dont la personne qui le possède, d'accord, ça, s'en sert pour lui-même, pour se faire joli, pour s'embellir, d'accord, s'en sert. À la divergence de celui qui possède ça, mais pour lui, c'est en tant que réserve d'argent ou pour la vente ou autre, d'accord? Donc ça dépend. Donc cette question-là, ça sera, il faudra la poser, il faudra plutôt la poser demain quand on va parler justement des bijoux. Pour déjà si la sœur, si la personne qui a une sœur à la tête de sa mère, si ou non elle doit sortir la zakat ou pas, et qui s'en est pas occupée pendant plusieurs années. Mais concrètement, si elle prend l'avis comme quoi les bijoux, il n'y a pas de zakat à payer, ben elle paye pas de zakat. Et si elle prend l'avis comme quoi il faut qu'elle sorte les bijoux, et ben elle doit sortir la zakat de toutes les années où elle a eu fait le péché de ne pas en sortir la zakat. Ça dépend donc concrètement l'avis qu'elle va prendre. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, non, parce que là, il est déjà 21h50, donc on va faire le cours du Tawhid, Inch'Allah. On doit payer la zakat en Dalkouf? Oui, on doit payer la zakat en Dalkouf parce que le prophète n'a pas donné ni Allah Azzawajal, ni dans le Coran de conditions pour payer la zakat, comme quoi il fait dans Dar al-Islam. D'accord? Et comme on a vu, Abou Shouja, rahimahullah, n'a pas cité ceci comme condition. Et il n'y a, à ce que je sache, hein, il n'y a pas de preuve dans le Coran ni dans la Sunna comme quoi il a été dit que, comme condition de la zakat, pour la donner, il faut être dans Dar l'Islam et non pas dans Dar al-Kufr. Par contre, il faut comme, par rapport au Kufr et à l'Islam, comme je l'ai dit, c'est pas par rapport à la terre, mais c'est par rapport à la personne. Il faut que la personne soit, faut que la personne soit musulmane, donc musulmane, d'accord, pour sortir la zakat. Par contre, par rapport au kufr, si la personne est mécréante, il n'a pas de zakat à donner. On lui demande pas de sortir la zakat. Donc, Inch'Allah, il n'y a plus de questions. Donc, maintenant, on va prendre le cours du Tawahid, Inch'Allah. Alhamdulillah, donc, c'est par rapport à la petite, le tout petit livre, le petit épître du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallah, dans ce qui s'appelle Shurut la ilaha illallah, les conditions du la ilaha illallah, donc les conditions de la validité, il faut comprendre. Shurut au sihhati la ilaha illallah, donc les conditions de la validité pour que cette parole soit valide. Celui qui dit cette parole, elle lui profite, sinon elle ne lui profitera pas. Wa la yaz billah. Et donc, nous avons fini les deux premières conditions, ainsi les notations, exactes. Donc là, maintenant, nous prenons la troisième condition. Donc, l'imam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallah, qui est décédé en quelle année? Qui est décédé en 1206 de la Hijra, rahimallah, a dit la troisième. Alors, comme je vous répète, Athalis, en fin de compte, c'est masculin. Parce que le mot short, c'est masculin. La condition, le mot condition en arabe, c'est masculin. Mais en français, condition, c'est féminin. Donc, pour ça, je dis la troisième. El-Ikhlasu. L'Ikhlas. Là, l'Ikhlas, généralement, on le traduit par sincérité. On le traduit par la sincérité. D'accord? El-Munafi, l'Ishirk. Donc, qui annule, on va dire, qui est le. Je vais traduire pour Moulmounafi ici par le plus mieux que le Mounafi, celui-là ce qui annule, mais par le qui est le contraire de quoi? Du shirk, de l'associanisme. Donc la troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait l'ikhlas. Il faut qu'il y ait l'ikhlas, al-munafi, le shirk. C'est-à-dire qu'il va à l'encontre, qui est le contraire du shirk. Il ne faut pas qu'il y ait de shirk. Parce que s'il y a du shirk, la personne fait du shirk, eh bien, il n'a plus. L'ikhlas, donc, même s'il dit la ilallah et qu'il sait ce que ça veut dire que la ilallah et qu'il a la certitude de cette parole, d'accord, mais qu'il fait du shirk, eh bien, cette parole ne lui profite pas. Waliyadu billah, il sera éternellement en enfer s'il meurt sur cela. La notation que je vais vous lire, Inch'Allah, par rapport au dalil, comme quoi l'ikhlas est une condition de la validité de cette parole. قال الله عز وجل دونك الله عز وجل a dit ألا لله الدين الخالص n'est-ce pas à Allah que revient la religion el khalis d'accord l'ikhlas el khalis pur c'est-à-dire qu'à aucun autre il faut donner la religion d'accord toute la religion vient à Allah عز وجل ensuite par rapport à un autre verset Allah عز وجل ça c'est dans la sourate Zumar, et c'est le verset numéro 3. Dans une autre sourate qui s'appelle Al-Bayyinah, d'accord, Al-Bayyinah, dans au verset 5, Allah Azza wa Jalla a dit, je vous le dis, c'est par rapport aux gens du livre notamment, Wama umiru illa liya'budullah, Wama umiru illa liya'budullah, mukhlisina lahuddina hunafa'a, avec un fatha seulement. Donc, je vous traduis, Wama Omiru, on ne leur a pas ordonné, illa, sauf, donc on leur dit qu'une seule chose, c'est quoi? Liya'budu, à ce qu'ils n'adorent Allah. Donc, seulement à adorer Allah. Mukhlisin, donc un mukhlis, c'est celui qui fait l'ikhlas, c'est-à-dire celui qui est sincère. Quand on dit la sincérité, il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il va donner cette chose-là à un seul, et donc là, c'est Allah Azzawajal. D'accord? Il va pas donner ne serait-ce qu'un petit peu cette adoration à autre. C'est ça, à l'ikhlas, donner à un seul. Mukhlisan lahuddin. Mukhlisin, excusez-moi, mukhlisin lahuddin. Mukhlisin, ici, c'est un isme fa'il. Lahu, huwa harf jar wal majrur muta'alliqan bi ism fa'il. Non, on ne pose pas de questions pour l'instant, c'est à la fin du cours. Barakallahu fikoum, excusez-moi. C'est juste, sinon ça me coupe dans le cours. D'ailleurs, je vais, hop, vous, comme je fais à mon habitude, toujours, voilà, pour pas qu'il y ait d'interférence dans le cours. Mais à la fin du cours, si vous avez une question que vous avez peur d'oublier, notez-la. Vous la me poserez à la fin du cours. Barakallahu fikoum, c'est toujours comme ça que je fais, hein. Je reviens inversé, c'est-à-dire, voilà, parce que, donc on ne l'aura pas ordonné, sauf, on n'aura seulement que ordonné de faire quoi? D'adorer Allah. Mukhlisin lahu ad-din. En étant sincère pour lui, donc pour Allah, ad-dina. Ad-dina, c'est un maf'oul bihi de ism fa'il mukhlisin. Donc ils mettent en sincérité pour Allah, lahu, à lui, la religion. Hunafa, hunafa qui est le pluriel de hanif. Une personne, on dit qu'il est hanif, et le pluriel c'est hunafa. Et les mamnoum nassar, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule fatha sur hunafa, il n'y a qu'une seule fatha, c'est les mamnoum nassar. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un alif ta'nis, mais ça rentre dans le nahou, je n'ai pas besoin de faire maintenant. Et hanif, ça veut dire quoi? Al-hanif, wal-ladhi yamil min al-batil il-haq, c'est celui qui. Qui va, c'est-à-dire qui s'éloigne du bâtiment du nul, de la chose nulle pour la chose qui est vraie. Et donc là, c'est celui qui ne fait pas, en fin de compte, qui s'écarte du shirk pour ne prendre seulement que le tawhid. D'accord? Al-ikhlas. Une preuve par maintenant avec un hadith. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. Donc ce hadith qui est reconnu par, qui se trouve dans le Sahih de Muslim, le Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a rendu haram au feu de l'enfer celui qui dit la ilaha illallah, mais attention, yabtaghi bidhalika wajh Allah, mais il veut par ceci la face d'Allah, d'accord? Mais il veut par ceci la face d'Allah. Ça, c'est un dalil comme quoi il faut lire là. C'est-à-dire qu'il faut, on dit la ilaha illallah, mais il faut absolument se diriger donc dans tout ce qui est adoration vers Allah, azawajal. Sinon, cette parole ne profite pas. On va faire maintenant la. Bien sûr, ça, quand on dit. Je vais revenir pour ça. Quand on dit que ça. Donc, celui qui n'a pas la condition qu'on appelle l'ikhlas. Ça veut dire qu'il fait le shirk. Donc son la ilaha illallah ne profite pas. Donc, en fin de compte, il n'est plus musulman. D'accord? J'ai expliqué hier, notamment si il le fait apparaître. Donc on fait un takfir sur lui. S'il ne fait pas apparaître, donc on ne le sait pas. Mais Allah Azzawajal le sait. Et quand on dit ça, c'est par rapport au grand shirk, bien sûr, pas au petit shirk. D'accord? Parce que s'il fait du petit shirk, son la ilaha illallah est toujours valide. Mais par contre, il est diminué. Il est pas complet, mais il est toujours valide dans le monde. C'est-à-dire que la personne est toujours musulman, mais il fait un grand péché en faisant un petit shirk. Donc son la ilaha illallah. Il n'est pas parfait, mais il reste toujours valide avec un petit shirk, mais il n'est pas parfait et il fait un grand péché. Waliyadh billah. Maintenant, nous allons à la quatrième condition. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit Rabia, la quatrième condition. As-sidqu al-munafi lil-kadhibi al-mani'u min al-nifaq. La quatrième condition, c'est quoi? C'est as-sidqu, la véracité. Sitq du verbe sadaqa, yasduku, sitqan, est dire la vérité, d'accord? Le fait de dire la vérité. C'est-à-dire quoi? C'est que quand on dit la ilaha, il faut que la personne soit véridique. C'est-à-dire quand on dit ça, il est véridique. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ça, mais en fin de compte, en lui-même, il n'y croit pas. D'accord? Comme ça va venir juste maintenant, el munafi les kazib, donc ce qui va à l'inverse, à l'encontre du mensonge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir quand on dit ça. Quand on dit la ilaha illallah, il faut être sincère, c'est-à-dire qu'il faut être véridique. Et comme il dit aussi le cheikh Mohammed Wahhab, pour bien expliquer, elle mani au minan nifaq, ce qui empêche le nifaq. Un nifaq qui le traduit en français par, généralement ça a toujours été traduit par l'hypocrisie. Mais attention, c'est une hypocrisie qui est bien spécifique, c'est pas tout hypocrite qui est en fin de compte est un mécréant, c'est pas tout hypocrisie, c'est une hypocrisie qui est bien spécifique. C'est comme pour le shirk et le kufr, et on va le voir, Inch'Allah. le nifaq, il y a le grand nifaq, le petit nifaq. Le grand nifaq, en fin de compte, la personne, c'est un mécréant, on ira en enfer éternellement. Et le petit nifaq, en fin de compte, c'est un grand péché. Et là, on parle du grand nifaq quand justement quand le la ilaha illallah n'est plus du tout valide. Le nifaq, qu'on va dire en français par l'hypocrisie, mais une hypocrisie bien spécifique, c'est celle-ci. C'est le fait d'apparaître l'islam en cachant la mécréance. Exemple. Je vais prendre deux exemples qui sont concrets parce que par rapport à ce qu'on vit. Un exemple avec une personne qui est issue d'une famille musulmane et un exemple avec ce qu'on appelle un converti, c'est-à-dire qui est issu d'une famille mécréante. Pour pas mettre de waswas en disant que j'ai pris qu'un seul exemple ou quoi, qui pourrait atteindre un certain ou un autre groupe de personnes. On va prendre le converti. Un chrétien ou un juif, comme on veut, la majorité en France sont chrétiens, donc on va prendre par exemple un chrétien, donc un chrétien, comme vous le savez, il est mécréant, parce que déjà Allah a fait un takfir, oui, Allah a fait un takfir sur les chrétiens, et oui, Allah a dit le code kafara, certes, ont mécru, d'accord, ils ont fait du kufr, qui, le code kafara, l'a dit, naqalu inna Allahu al-Masih ibn Maryam, ont certes mécru, sont mécréants, certes, ceux qui ont dit que le Messie, Jésus, est le fils d'Allah, d'accord? Donc ils sont mécréants, il n'y a pas de problème sur ceci. Un chrétien est amoureux, on va dire, d'une musulmane. Alors, là, ça ne veut pas dire ce que les anges vont dire, comme quoi la musulmane, ce qu'elle fait, c'est halal, elle va faire une chose de haram. C'est-à-dire que le chrétien ce mécréant est amoureux d'une musulmane, la musulmane est d'accord pour se marier avec lui, mais elle lui dit, écoute, moi, dans ma famille, tout ça, même dans ma religion, je ne peux pas me marier avec toi. Sans le mariage ne sera pas valide. Sachez qu'une musulmane ne peut pas se marier sauf qu'avec un musulman, pas avec un chrétien, un juif, ni rien. D'accord? Donc, bah, lui dit, écoute, il faut absolument que tu te convertisses. D'accord? Sinon, bah, il n'y a pas de mariage. Point à la ligne. Le chrétien réfléchit, il fait, en fin de compte, moi, ça ne me dérange pas de dire que je faire croire que je suis musulman. Hein. Il faut faire quoi pour être musulman? Ben voilà, il faut que tu dises ce qu'on appelle la shahada, et donc elle va lui expliquer comment devenir musulman, du moins en apparence. Et cette personne-là va faire croire à tout le monde, d'accord? On va dire que la musulmane est la seule, dans son secret. Ou ça se trouve, il lui dit même pas, il va lui faire croire aussi à elle, parce que si elle est sincère, Inch'Allah. Elle veut absolument qu'il soit vraiment musulman. Donc lui, il va faire croire à tout le monde, comme quoi, en fin de compte, il croit que là, il a qu'il n'y a pas de par droit et que Mohammed, c'est le messager d'Allah. D'accord? Donc il va faire croire. Mais en fin de compte, il croit toujours que j'ai. Il croit pas que, en fin de compte, que Mohammed, c'est un prophète, que le Coran, c'est le livre d'Allah, et que Jésus, ce n'est pas le fils de Dieu, etc. Il a toujours sa croyance de chrétien. Mais il va faire croire à tout le monde, à sa famille, à tout le monde, qu'en fin de compte, qu'il se convertit à l'islam. Cette personne-là, d'accord, c'est un converti. Cette personne-là, non, c'est pas. On ne peut pas prendre un couteau et lui couper la poitrine pour voir ce qu'il y a dans son cœur, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est très intéressant, qu'on pourra citer plus tard. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On n'a pas la possibilité pour les gens de savoir ce qu'ils ont à l'intérieur. Tant que la personne fait apparaître l'islam, et ben nous, on lui donne l'islam, on lui donne la loi de l'islam. D'accord? Donc il est musulman. Mais concrètement, Allah azawajal, lui, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et même au plus profond des cœurs. Donc, il sait qu'en fin de compte, cette personne, c'est un kafir. Donc, cette personne, elle fait quoi? Elle fait apparaître un islam et elle cache un kufr, le grand kufr. Donc, cette personne-là, c'est ce qu'on appelle un munafiq, nifaq akbar. C'est en français, on va dire un hypocrite de la grande hypocrisie. Et la grande hypocrisie, c'est ça spécifiquement. C'est quelqu'un qui fait apparaître l'islam et qui, en fin de compte, cache une grande mécréance. D'accord? Un autre exemple, pour pas que les convertis se sentent visés, eh ben je vais prendre ceux qui sont d'origine musulmane pour pas que l'un des deux, si j'en citais un seul exemple, l'un des deux groupes se sente visé. Je vais prendre un exemple qui est aussi concret, très concret, ça existe, comme l'un j'ai cité, ça existe aussi, l'autre que j'ai cité. Quelqu'un qui est de famille, né de famille musulmane. Je ne vais pas partir de pays pour pas aussi, là aussi. Titiller certaines choses. N'importe quel pays, il est d'accord. Ses deux parents viennent d'un pays musulman, ils sont ici, et il est d'origine, on va dire, d'une famille musulmane. Et il grandit ici, et en fin de compte, eh ben, il devient athée, d'accord. C'est-à-dire que lui, il croit, en fin de compte, qu'il n'y a rien après la mort, il n'y a rien. Qu'il n'y a pas de prophète, c'est faux. Il n'y a pas le jour de la résurrection. Tout ça, en fin de compte, comme disent les athées, et après la mort, il n'y a rien. le Dieu, c'est une Al-Yazoubillah, c'est une invention des hommes, etc. Seulement, il se passe une chose. C'est que cette personne, si jamais il commence à dire ceci à sa famille ou autre, il va se faire rejeter. Si, vous se mariez, si par exemple il veut se marier avec une musulmane et ben, qui elle croit, et ben, il va avoir des problèmes si, parce qu'en fin de compte, c'est un murtad, s'il le dit d'une manière apparente, et ben, c'est un murtad, donc il ne pourra pas se marier avec elle parce qu'il faut être musulman, il ne faut pas être apostat. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, sa croyance de mécréance, il va la cacher. Et ça existe. Hein. Il va la cacher. Il va faire croire à tout le monde, d'accord, qu'en fin de compte, il a toujours été aussi musulman, il est issu d'une famille musulmane, et que, il a toujours été comme ça. Il croit, donc il va dire à tout le monde, bah oui, moi je crois que. Qu'il n'y a pas de limite par droit sauf Allah, que le message que Mohammed c'est le dernier des prophètes, etc. Même de temps en temps, il va prier, d'accord? Pas de problème, ça le gêne. De toute façon, pour lui, il est athée. À la limite, pour lui, la prière, ça va être juste un petit gymnastique, donc ça peut lui apporter que du bien physique, voilà, yazoubillah, d'accord? Et il fait croire à tout le monde qu'en fin de compte, il est toujours sur l'islam. Nous, on ne sait pas. Hein. Ça se trouve, il y a des gens qui sont autour de nous dans la mosquée, okay, à la mosquée, ils sont comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est même sûr, il y en a. D'accord? Mais on ne peut pas dire. Tant que la personne ne l'a pas dit de manière claire, on ne peut pas. Cette personne-là, donc, on lui donne l'islam, mais en fin de compte, il cache la grande mécréance. C'est ce qu'on appelle un munafiq, quelqu'un donc qui est hypocrite, de la grande hypocrisie, c'est-à-dire il fait apparaître l'islam et il cache la grande mécréance. Voilà, et qu'Allah azzawajal nous préserve du nifaq, surtout du akbar, du plus grand. Je demande à Allah azzawajal qu'il nous préserve ainsi. Que nos familles qui sont musulmanes, qui nous préservent de tout kufr et de tout shirk. Donc voilà la quatrième condition qui est la véracité. Donc quand c'est parlé, il faut être vrai. Il ne faut pas cacher le grand kufr. Il faut qu'en fin de compte, on soit véridique quand on dit le la ilaha illallah, ce qui va à l'encontre du mensonge, c'est-à-dire, et notamment celui qui fait ça, qui fait ce mensonge-là, et ben c'est le nifaq, le grand nifaq. Comme on va voir plus tard, on va voir les sortes du petit nifaq qui ne font pas de sortir l'islam, comme par exemple, comme c'est dans le hadith, le fait de mentir et d'autres choses. Mentir sur, non pas sur l'islam, par exemple, quelqu'un qui ment pour gagner de l'argent, il va mentir. Ça, c'est du petit nifaq, donc il est toujours musulman, mais il a fait un grand péché. D'accord? Mais c'est un munafiq, mais du petit nifaq. La notation, il est déjà 22h07, je vais voir si la notation n'est pas trop longue pour la faire. Inch'Allah, j'espère que vous n'avez pas trop de questions par rapport au temps. Donc Allah Azzawajal, mais ça va être des questions que vous allez poser. Hein. Allah Azzawajal a dit: Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Donc ça c'est au début de la sourate Al-Baqarah, ça c'est le verset numéro 8. Les cinq premiers versets de la sourate Al-Baqarah, ça définit les croyants, Al-Mu'minun. Ensuite, il y a deux versets seulement qui définissent les mécréants. Et après, il y a 15 versets qui définissent qui? Eh ben, les munafiqoun, ceux qui. Les munafiqoun, les hypocrites, d'une grande hypocrisie, donc ceux qui font voir, font apparaître un islam, mais enfin, qui cachent la mécréance. Et comme disent les ulama, les savants, pourquoi il y a autant de versets pour définir les munafiqoun? Parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sont toujours en train de ruser, de faire apparaître. C'est pour ça qu'il y a des versets, beaucoup de versets par rapport aux croyants et aux mécréants, qui leur affaire est assez simple par rapport, pour eux. Donc Allah Azzawajal dit ceci, oui, n'est-ce pas, mais les gens, il y a celui qui dit, Amanna billah, il y a ceux qui disent, Amanna billah wa bil yawmil akhir. Nous croyons en Allah et au jour dernier. Et Allah Azzawajal, juste après ça, il dit, wa ma hum bi mu'minin. Et eux, ils ne sont pas des croyants. Yukhadi'un Allah wa alladhina amanu. Ils trompent Allah et ceux qui ont cru. D'accord? Mais, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ et ils ne trompent pas seulement que eux-mêmes, وَمَا يَشْعُرُونَ mais ils ne le ressentent pas. Le fait qu'en fin de compte, c'est à eux-mêmes qui se trompent. Jadun Allah, c'est-à-dire qu'eux, ils pensent tromper Allah, mais Allah, il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Et le jour de la résurrection, ils vont avoir une très mauvaise surprise s'ils meurent sur ce nifar. Et Allah dit par rapport à eux, فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dans leur cœur, il y a une maladie, la maladie du nifaq, d'accord? Et sachez, entre guillemets, que quand dans Allah, je dis ici dans le Coran, ceux qui ont, cette formule revient souvent au Coran, ceux qui ont dans leur cœur une maladie, ceux qui ont dans leur cœur une maladie, c'est écrit, c'est les munafiqoun. Quand Allah, je cite, dit ceux qui ont dans leur cœur une maladie, ça veut dire c'est quoi cette maladie? C'est la maladie du nifaq, d'accord? Fazadahumullahu maradan. Alors Allah, Azzawajal, les augmente en maladie, dans cette maladie d'Unifarc, d'accord, et qui notamment les ronge. Et oui, parce que c'est une maladie. Imaginez-vous que ce soit le converti ou celui qui vient d'une famille.